Vous êtes à l'écoute de l'émission Accordéon Musette. J'ai des notes de musique plein la tête et je crie à tous les vents. Moi je t'aime plus qu'à trois temps et je chante le cœur léger. Ah que c'est bon de valser. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà donc, eh bien c'est l'heure de se retrouver comme le dimanche, tout simplement avec le retour de l'accordéon. Donc, eh bien, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne semaine et puis ainsi un très bon dimanche, tout simplement dimanche matin, avec la musique que vous a plu. Écoutez tout simplement. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec tout simplement eh bien l'accordéon, la valse, le tango, la marche et puis d'autres musiques différentes. Sans plus tarder, je vous laisse avec le Madison et il suit tout simplement avec le Charleston. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. arc-en-ciel. Je vous laisse avec la musette. Thank you. ciel. Voilà, donc on continue bien sûr avec les morceaux d'accordéon et puis je vous laisse avec la samba et puis juste après, ciao ciao. Y'a du monde au salon pour les écouter. Demain c'est gagné, c'est elle qui m'a monté. Y'a que les cuisses de bonne dans les grenouilles, c'est vrai. On a le Miss Tinguette, Rina Kitty ou Barbara. Ça au moins c'était chouette, et tu reconnaissais leur voix. C'était de vraies vedettes, pas des produits pour supérette. Pas des rainettes qui montent à l'échelle dans le grand marécage universel. À force de se gonfler, elle finira par éclater. Mais peu importe, demain à la porte de l'émission, d'autres viendront frapper. Quand les grenouilles chantent dans la nuit, le temps va changer, faut se mettre à l'abri. Quand les grenouilles chantent dans la nuit, tu peux pas dormir tellement ça fait du bruit. Quand les grenouilles chantent à la télé, y a du monde au salon pour les écouter. Demain c'est gagné, c'est elles qui vont monter. De bonne dans les grenouilles, c'est vrai. We'll be right back. Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Et puis donc on continue avec tout simplement, on continue avec le rétro et puis le tango. Thank you. Thank you. essentiel. Voici, avant le polka, et ben je laisse avec le passo. Thank you. arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Polka et samba. ciel. Retour avec la valse et puis le Madison. Thank you. ciel. Je vous laisse avec deux morceaux d'accordéon portugais et puis juste après la musette. Cozinhar, até conselhos eu pedi ao senhor padre. ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Donc après, tout simplement, la musette, eh bien, je vous laisse avec la Naguette et puis d'autres chansons, musiques différentes. Et puis, il y aura après la Java. We'll be right back.

moi quand l'orchestre joue comme à Cuba, rien que pour nous. On va un petit tour avec bien sûr la musique de l'accordéon, mais avec le rock. We'll be right back. ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et puis on va écouter tout ça avec Boléro, Bourré, et juste après. arc-en-ciel. Et je vous emmène du côté de l'Auvergne, et puis juste après on écoutera le Soca. J'ai grandi, j'aime ces bois, ces vertes vallées, il fait si bon y respirer. On y voit perché sur le poteau le berger qui garde son troupeau. Sur la montagne, quand tout est fleuri, c'est un vrai coin de paradis. Comme il est joli, mon pays. Sur le poteau, le berger qui garde son troupeau. Sur la montagne, quand tout est fleuri, c'est un vrai coin de paradis. Comme il est joli, mon pays. Arc-en-Ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Un petit tour du côté du country, mais avant le country, du côté de Paris. Et puis juste après, retour un petit coup de l'Auvergne. We'll be right back. cacher où elle s'est bourrée, résonne que je vous laisse écouter de Marseille, puis juste après Musette. ciel bleu lorsque dehors il pleut. On a le don d'être heureux quand on est tous les deux, les yeux au fond, les yeux. C'est bon de perdre la tête sur une valse musette. C'est alors que dans nos cœurs se rallume le feu au bal des amoureux. Pas de pub, rien d'écrit sur les murs de ce bal béni des dieux. Rien qu'une étoile accrochée au plafond et qui brille de mille feux. En robe et jeans, Adrienne et Gaston font la valse comme autrefois. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris des leçons rue de l'âme chez les Bougnards. C'est au bal des amoureux que le ciel devient bleu lorsque dehors il pleut. On a le don d'être heureux quand on est tous les deux, les yeux au fond des yeux. C'est bon de perdre la tête sur une valse musette. C'est alors que dans nos cœurs se rallume le feu au bal des amoureux. Voici la tarentelle et puis cette musique, tout simplement, qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver bien dimanche prochain. Et bien, on se retrouve aussi donc et bien le mardi et le vendredi à partir de 13h30 jusqu'à 17h et puis donc et bien dimanche prochain à partir de 12h30. Voilà donc et bien je souhaite de passer bonne fin d'après-midi et je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. No ano seguinte fiz um estágio na...